İbn-i Kur'an kısmı kısmından kalp gitme. İbn-i Kur'an kısmı hakemi kısmı kısmı kısmı. Il a fait voir mais l'amir il est venu voir et puis voilà parce que c'est là dans le rang des ulama. Il a fait hadi fitness mukhat. Ama tilk, ama tilk, turidun fitness al-amma. C'est quoi la différence entre la fitness khassa et la fitness amma? La fitness khassa, c'est une fitness qui est bien spécifique à des endroits spécifiques. Et c'est qui est touché dans cette histoire là? Ce sont les ulama, ce sont eux qui sont éprouvés. Le Hamid qui devait dire que le Coran il était pas créé, il se faisait tuer, ou il se faisait exiler, ou il se faisait trouver dans sa famille, il se faisait retirer ses biens. À cette époque-là, les ulama, ils vivaient comment? Ils vivaient de la caisse de Mijou, Amir al-Mu'iz, ils devaient une caisse, de Amal al-Muslimin. S'ils étaient trouvés, leur Coran était retiré, ils allaient faire la mendicité. Ils perdaient leur poste. Il a créé les Ce sont eux qui sont éprouvés. Là, il y a l'imam Ahmed, Rahman Allah, Rabbi Allah, en haut. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que cette fitna-là, si on la garde comme telle, cette fitna, c'est l'imam-là qui sont touchés. Mais si vous détournez des gouvernements et des gouvernants, là, ça va être une fitna-là qui va toucher tout le monde. Al-Rajl, Al-Mar'a, Al-Shab, Al-Tarir, Al-Ajouz, Al-Kabir, les commerçants, les travailleurs, ça va être une fitna. C'est la guerre. Franchement, ça va être la guerre et tout le monde sera touché. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre la fitna amma et la fitna khassa. Deuxième chose, notre ambiguïté qui tourne, parce qu'on entend souvent les médecins, ils peuvent faire... Qu'est-ce qu'il y a dans Il y a colonne, c'est salafiyat al-khassim al-khismay. La salafiyat, c'est du bidambé. Il y a salafiyat al-shayakina. Et salafiyatou, et la ilmiya. Il y a la salafi qui bouge, celle qui prend les armes, qui monte dans la montagne, et qui prend le jihad, et puis il y a les autres. Et la salafiya, c'est la ilm qui apprend, qui étudie, et qui compte ça. Mais où est ça? Faraq al-ulama al-salafiyata. Est-ce qu'on a entendu un ulama un jour dire la salafiya qu'il y a ça? Non. Allez, on continue. Ceux qui ont dit que le Salafiya et le Harakiya, ce sont les vrais Salafis, ils disent des autres que les autres ce sont une secte. Ce ne sont pas les vrais Salafis. Les vrais Salafis, c'est nous. En parlant de ceux qui ont les armes. Les autres, non, ils sont là à rester à s'asseoir, à étudier leur religion, ils font que ça. Et on n'a pas de résultat. Le résultat, c'est important. Tu le vois ou tu ne le vois pas? Le résultat, tu le vois, tu ne le vois pas, c'est pas important. Le résultat va venir des Ibn-Illah. Mais tu le vois, tu ne le vois pas, c'est pas important. Et c'est ça que je décide le chemin de ses prédécesseurs. Pas ceux qui écrivent le jihad, ceux qui écrivent que la salafiyya c'est nous, le jihad, etc. Il y a que les gens. Ils ont gardé la main. On donne le coup. On donne le chéritain. On donne le haine. Est-ce qu'ils ont des savants sur qui ils se reposent? Est-ce qu'ils ont laissé des cassettes? Est-ce qu'ils ont laissé des livres? Est-ce qu'ils ont laissé des traces? Ils n'ont rien laissé dire. On revient maintenant à ceux qui disent pas, parce que nous on le dit pas, alhamdulillah, on dit pas qu'il y a deux salafiyya, la salafiyya de Sabir, une salafiyya de l'autre, non, et une salafiyya. Et on en veut tout, mais chaque chose vient en son temps. Chaque chose vient en son temps. Et alors que la prière du Dahan n'est pas encore rentrée, on va plus en faire par Dahan. Si on vient, on va passer au Hajj, puis on va chercher un billet, on va passer au Hajj. Attends, ça va prendre n'importe quoi, la chose n'est pas son temps. Mais si tu viens, on va faire le Hajj là-bas. On va faire le Hajj tout seul. Allah est musba'an. Le Hajj est bien déterminé. Et le jihad que Balek. Le jihad est bien déterminé. Quand lorsqu'on aura pour le jihad, t'inquiète pas, on verra qui se fera du cran et la foi correcte pour le faire jihad. On verra à ce moment-là. Si tu regardes ça, si tu regardes l'histoire, le ulama de Salaf Salah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Cheikh Ibn Taymiyyah, الذهبي الإمام الذهبي ابن حجر العسقلاني يترون دوت شتي بقى دي كونتونتون شتي بقى دي زانسيون ils ont laissé des livres ou pas ils ont laissé أمهات الكتب ils ont laissé أمهات الكتب الخارج qu'est-ce qu'ils ont laissé ils ont laissé الشر qu'est-ce qu'ils ont laissé ils ont laissé الشر

نحن قمة البرهان، نحن قمة الدليل، أنا كم يتدر أفراد بالدليل وطفاق بنا تواتش والبغض بنا بوريك يا أخيكي أنت انفعلي على السرماء إذن يتم أن يتشوف تشهد تشهد تشهد هذا من حقك. الله سبحانه وتعالى يقول وقل هاتي برهانكم إن كنتم صادقين، جنب القوم إذا قلت المسجر يديك أنت غفاك أنت أنا تبي في صور ماجيك، أنا تبي غير، أنا تبي مجان، أنا تبي كروت، أنا تبي صور، أنا تبي صور من الناس، أنا تبي صور. لم يعلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تلو هما في مردود. سبحان الله. ونفع. أنا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est pas que je me dis, ouais, tu sais, j'ai fait un rêve hier et j'ai vu que c'est un rêve. On a même fait deux fois, c'est pas qu'on a fait un. Et subhanallah. Non, notre Dieu est venu, on veut aussi, on veut aussi. Il y a des bases sur quoi on se refait dessus. Je lui dis, il commence à la culture, il y a des bases sur quoi on se refait dessus. Je lui dis, elle est tenue à la culture Ibn Abbas, pardon, il m'a fait là. Je lui dis, voilà, comme bien là, le couple, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, bien sûr, mon frère, je lui dis, en plus de ça, nous, nous nous arrivons des haches. Nous, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Il nous a demandé de juger par l'extérieur. On ne nous a pas demandé de juger par l'intérieur. Celui qui vient devant toi et qui dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallam » il veut dire que la bouche ne dit pas avec son cœur. Ça c'est le juge en tant qu'un musulman. Pour lui c'est un musulman, si il y a dans le cœur, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Je dois venir moi et dire que non, c'est avec son cœur. Ah bah ces gens qui disent « Non, c'est des confrères, ils disent « La ilaha illallah » gratuitement comme ça, simplement pour le faire croire. » Il a fini. Ça t'es pas demandé de croire ou pas croire. Pour toi tu le juges en tant que musulman. Après tout, c'est un qui appelle le salut au Christ, c'est entre lui son Seigneur. Contre lui son Seigneur. Et après, on va rentrer dans une petite discussion comme ça et tout ça, et Alhamdulillah, la paix a compris. Je dis, non, mais faire attention, cette fille, haqqallah, cette fille, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il dit qu'un tel il est kafir, il est kafir. Bil adilla, amen le Qur'an, amen le hadith, amen le tafsir wa taqul ala kafir. Attention, mon frère, t'es en train de faire une chose. Je lui dis, tu connais le hadith où le prophète alayhi salatu wa ta'ala dit que si bab al-muslim fousouk wa qital ou kufr, il est musulman. Je lui dis, qu'est-ce que ça comptait? Je lui dis, c'était un arabe, donc il comprenait ce que je disais, parce qu'on parlait en arabe. Il comprenait ce que je disais. Il me dit, wa qital ou kufr, mais kufr, c'est bien kafir. Je lui dis, non. Hein? Combattre les musulmans. L'insulter, c'est la perversité. Et de le combattre, c'est du kufr. Parce qu'il y a une différence entre kafir. Le coupeur, kafir, c'est celui qui a le coupeur en lui. C'est un kafir. Et coupeur, ou bien kafara, c'est celui qui a ce moment-là, au moment où il est en train de faire cette action, il est en train de croire. Le hadith est clair, le prophète, en effet, il dit qu'au moment où le musulman il voit, ce n'est pas un croyant. Au moment où il dit là, ce n'est pas un croyant. Au moment où il voit, ce n'est pas un croyant. C'est-à-dire que c'est un kafir? Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'action qu'il est en train de faire, c'est une action qu'il a fait tomber dans le coupeur à ce moment-là. Mais tu te repentir, là, il faut pouvoir aller. C'est pour ça qu'il ne faut pas avancer directement en disant que Ada Kofa, Ada Kadr, Ada Moktadia, Ada Mujrim, Ada Kadr, Ada Kadr. Là, il y a Khi. Il y a, il a Tabayyana, Kofurhu, ou Fiskuhu, ou Nifakhu, il y a Khi. Si nous faisons voir par A plus B que vraiment c'est un Kadr, là, d'accord, on doit faire un Kadr. Si nous faisons voir par A plus B que c'est un Moktadia, on lui dira d'accord, c'est un Moktadia. Alhamdulillah. Et dans la compréhension des textes, comme ça, dans la compréhension des textes, dans n'importe quel domaine, les textiles, ils ont une compréhension khas. Les textiles, ils ont une compréhension khas. Les héros, ils ont une compréhension khas. Ah ben, quand tu regardes cette compréhension-là, c'est pas la compréhension des sahaba. C'est pas la compréhension des tabirines. C'est pas la compréhension des tabirines. C'est la compréhension. Un homme de Abu Qatada, ou bien la compréhension de Mohamed Riyad pour les textiles, ou bien la compréhension de Hassan al-Banna pour les héros, ou bien la compréhension de Abdel al-Harari pour les habesh. On joue là. Ça y est, maintenant chacun vient et puis c'est sa propre secte. Et c'est sa propre secte. Et ces gens-là, si t'es pas avec eux, c'est contre eux. C'est contre eux. Et si t'es contre eux, tu deviens leur ennemi. Et ils sont fanatiques, ils sont fanatiques musulmans. Ce qui crie le djihad, ils font le djihad contre eux. Allez en Palestine, allez faire le djihad là-bas, y'en a. Allez faire le djihad là-bas.